J'attends de réussir ici pour aller vivre là-bas. J'essaye de tout donner, Dieu sait que c'est pas facile. Je m'en bats les couilles qu'on boycotte ou qu'on soit mis à part. Mais je bois beaucoup trop de sirop, ça devient maladif. J'étais ce gamin absent, bien tout seul au fond de la classe. Je veux pas finir comme un de ces chanteurs à la con. Tu sais qu'il faut se battre dans la vie pour avoir ce qu'on n'a pas. Le temps passe vite, tu passes du berceau à la tombe, on va décoller. T'inquiète pas, j'arrive à bord, chez nous tu connais. C'est la famille d'abord, l'humain est mauvais. J'en ai marre de tous vos caprices, si je suis roux, c'est pas grave, je suis un peu comme Kurosaki. Blessé, j'ai cicatrisé lentement. J'ai baigné dans le sang, j'ai crié seul dans le vent. Oublie la sentence, il est l'heure du changement. J'ai enlevé du miroir nos prénoms écrits en blanc. Et non, ne pleurez pas, je reste fier de mes actes. Je renaîtrai dans les flammes, loin des lois de l'état. Je vais m'endormir à l'aube, merde, on a plus 20 ans. Le chemin sera long, demain matin c'est maintenant. Plus d'air, le futur se négocie. Et si je suis vulgaire, c'est que ce monde l'est aussi. J'avoue, j'ai serré beaucoup de mains, je connais peu de gens. Mais tant que je tiens sur mes deux jambes, tout est possible. On a commencé tout seul dans une cave à 4. 10 ans qu'on écoute tous vos baratins. La drogue c'est une prison comme à Alcatraz. On a fini en dev dans un bar à 5. On a commencé tout seul dans une cave à 4. 10 ans qu'on écoute tous vos baratins. La drogue c'est une prison comme à Alcatraz. On a fini en dev dans un bar à 5. On taffe la mie, on va saouler dès qu'on gagne. Même dans le plat pays, on peut soulever des montagnes. Tu peux t'en sortir ou mourir bêtement. Si ça marche pour toi, ça me fait une belle jambe. Petit, je deviens malade, je fume trop. Ton équipe, c'est la smala. Du pauvre, la classe moyenne. Dans toute sa splendeur, oui, j'ai la haine. Mais pas de rancœur, idéaliste. C'est marrant, j'avoue. On nous fait penser au fric avant l'amour. Y'a plus de principe, la drogue c'est Saint-Gilles. Ne lance pas de débat quand je suis bien ivre. Mon cœur est bien trop grand pour que j'en confie l'entièreté. Jamais fait semblant, souvent mal agi par fierté. Absent de la scène pendant longtemps, fallait que je réfléchisse à comment faire du son sans que mon intégrité fléchisse. Sentimentalement, j'ai des interférences. Parce que ce qui fait mal, c'est pas l'amour, c'est l'indifférence. J'encaisse mes 28 printemps, parfois je pense au succès. Et je me dis qu'il est grand temps de retourner rapper sur scène. Ils peuvent garder leur fame, leurs millions d'abonnés. Moi je veux profiter du soleil, si au pied d'un palmier. Je n'ai vraiment rien à prouver, à part peut-être à moi-même. Attends que l'équipe se ramène, t'inquiète, la roue va tourner. On a commencé tout seul dans une cave à 4. 10 ans qu'on écoute tous vos baratins. La drogue c'est une prison comme à Alcatraz. On a fini en dev dans un bar à 5. On a commencé tout seul dans une cave à 4. 10 ans qu'on écoute tous vos baratins. La drogue c'est une prison comme à Alcatraz. On a fini en dev dans un bar à 5. Elle a claqué la porte un soir. Depuis on s'est plus jamais revu. Merde. Pour ma porte à boire, je me butais à l'ancienne sous un arrêt de bus. L'oublier c'est impossible, je le sais bien. Mais personne ne peut fuir son destin. Tu peux tout faire pour lever ce qui. Ça ne sert à rien, tout est écrit. Hein, je suis dans l'espace en train de l'éviter. J'allume un pop, je vide mon esprit. Je comprends plus rien, faudra m'expliquer. Quoi qu'il arrive, faut qu'on reste digne. On a commencé tout seul dans une cave à 4. 10 ans qu'on écoute tous vos baratins. La drogue c'est une prison comme Alcatraz. On a fini en dev dans un bar à 5. On a commencé tout seul dans une cave à 4. 10 ans qu'on écoute tous vos baratins. La drogue c'est une prison comme Alcatraz. On a fini en dev dans un bar à 5.